Ouvre ton manuel à la page 190. Un cambriolage au château du vieux loup. Un nuage sombre couvre le château du vieux loup. Un vent violent se lève, mais il ne pleut pas. Durant la nuit, une personne a volé le violoncelle, l'œuvre d'art la plus précieuse de la collection du baron de Jokin. Elle a neutralisé le système de sécurité en faisant sauter l'armoire électrique. Alerté par le baron de Jokin, l'inspecteur Lucas Giduflaire se rend au château pour mener l'enquête. Il voit que l'armoire électrique est dissimulée derrière une peinture. Il est donc évident que le vol a été commis par une personne qui connaît les lieux. L'inspecteur demande au baron de Jokin de réunir son personnel dans le salon d'honneur. L'inspecteur Giduflaire se trouve maintenant en présence de Patrick, le chauffeur du baron, de Pascal, le chef cuisinier, de Lisette, la femme de ménage, et d'Antoine, le majordome. Il leur demande « Que faisiez-vous hier entre 22h et minuit? »« Moi, j'étais dans ma chambre, » dit Lisette, visiblement énervée. « J'écoutais à la radio un concert de Céline Dion. Un peu après minuit, Patrick est venu frapper à ma porte. Il m'a informé du vol. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je suis descendu aussitôt dans la salle d'exposition. » L'inspecteur Giduflaire se tourne vers Patrick. « Et vous, Patrick? » demande l'inspecteur. « Qu'avez-vous fait entre 22h et minuit? » « Je suis allé en ville, » répond Patrick d'une voix assurée. « Je suis rentré au château vers minuit. À mon arrivée, le baron de Jokin m'a informé du cambriolage. Je suis allé aussitôt informer Lisette. « Et moi, » ajoute Antoine, « j'étais dans ma chambre toute la nuit. Je regardais des films de mon agent secret préféré. Le baron de Jokin m'a offert la collection complète en DVD pour mon anniversaire. » L'inspecteur Giduflaire fait un petit sourire. Pascal, le chef cuisinier, prend la parole avant que l'inspecteur Giduflaire lui pose une question. « Moi, monsieur l'inspecteur, j'ai eu une courte conversation avec Patrick avant son départ. Ensuite, je suis monté à ma chambre pour la nuit. Le baron de Jokin m'a informé du vol à mon réveil ce matin. « Ce n'est pas la peine de poursuivre l'enquête, » affirme l'inspecteur Giduflaire. « J'ai trouvé le coupable. Antoine est le cambrioleur. »« Antoine? Mais comment le savez-vous? » demande le baron de Jokin. « Rien de plus simple, » conclut l'inspecteur Giduflaire. Antoine ne pouvait pas regarder des films durant une panne d'électricité.